Section 96 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 96. Le docteur Rameau, première partie, par Georges Honnet, chapitre 1. Parmi les illustres praticiens que compte la science médicale contemporaine, le plus universellement admiré est sans conteste le docteur Rameau de Ferrières, réputé le premier chirurgien de son temps. Professeur d'anatomie à l'école de médecine, Rameau est aussi un médecin hors ligne. Il a fait en thérapeutique des découvertes surprenantes. Doué d'un coup d'œil supérieur et d'une audace singulière, il tente in extremis l'application de remèdes foudroyants. Et avec un bonheur sans égal, il a opéré des cures miraculeuses. La confiance qu'il inspire est certes pour moitié dans la réussite de ses traitements. Il est tellement établi que la présence de Rameau au chevet d'un malade met la mort en déroute, que le patient, en voyant entrer le docteur, se sent déjà sauvé. Aucun souverain en Europe n'a jamais eu une sérieuse indisposition sans que Rameau ait été appelé à grands frais. Lorsque les chirurgiens d'Innsbruck voulaient couper la jambe à l'archiduc Albert, tombé au fond d'un ravin en chassant le coq de Bruyère, c'est lui qui trouva, à force de soins ingénieux, le moyen de ne pas faire du prince un invalide. Il réclama pour ses peines la somme de 100 000 thalers. Étant allé à Caprera opérer Garibaldi d'un phlegmon qui le mettait dans le plus grave danger, il demanda au grand aventurier comme honoraire une fleur de son jardin. Rameau est démocrate et libre penseur. Démocrate parce que, sorti du peuple, il en a conservé les âpres tendances égalitaires. Libre penseur parce que, dans ses profondes investigations scientifiques, il n'a jamais rencontré que la matière au bout de son scalpel et que sa vaste intelligence se refuse à admettre ce qu'elle ne peut pas expliquer. Il est un des adeptes du transformisme et il a fait sur la perfectibilité des races des études de la plus haute portée. Arrivé à 50 ans, dans toute la vigueur d'une nature qui n'a été affaiblie par aucun excès, Rameau est un homme de haute taille, au visage tourmenté comme un sol volcanique. Son front, immense, est couronné d'une chevelure grise, onduleuse et rude, semblable à la crinière d'un vieux lion. Ses yeux gris, clairs et perçants, ainsi que ses outils d'acier, sont surmontés de sourcils noirs et touffus. Son teint très coloré annonce un sang brûlé par l'activité d'une vie entièrement consacrée au travail. Sa bouche aux lèvres épaisses respire la bonté. Mais un pli profond qui se creuse entre ses sourcils, à la racine du nez, chaque fois qu'il est préoccupé ou mécontent, lui donne un aspect terrible. À l'hôpital ou à l'amphithéâtre, la locution « Rameau à son pli » est pour les internes et les élèves un signal d'alarme. Tout tremble et se tait quand l'effrayante ride barre le front génial du savant, car ses emportements sont formidables et rien ne peut les arrêter. Sa brutalité est légendaire comme son adresse. Aucune femme ne ferait un pansement, ne poserait un bandage d'une main plus légère et avec des doigts plus agiles. Il n'est pas de charretier qui jure contre ses chevaux plus violemment que le docteur contre ses aides. Les malades épouvantés se renfoncent dans leur lit, s'enfouissent sous les oreillers, en entendant la voix tonnante du chirurgien qui brandit, d'un air menaçant, un trocard à la lame aiguë. Il s'empare d'eux, et, avec ravissement, les malheureux plus morts que vifs apprennent que l'opération est finie quand il la croyait à peine commencée. Alors, ils bénissent la prodigieuse habileté de ce bourru bienfaisant et comprennent pourquoi, derrière son dos, les internes et les élèves disent en riant « Rameau ne fait souffrir ses malades qu'en parole ». Cet homme d'une si rare valeur est parvenu à la situation qu'il occupe dans le monde savant par la force de sa volonté et la supériorité de son intelligence. Son origine fut très humble. son père était cantonnier sur la ligne de l'Est et habitait une petite maison auprès du passage à niveau de la route de Ferrières. Sa mère gardait la barrière. Il la voyait, un manteau de toile ciré sur le dos, coiffé d'un chapeau en cuir, se ranger devant les trains, un étroit drapeau rouge à la main, comme au port d'armes. Jusqu'à l'âge de 14 ans, le petit Pierre a vécu là, libre et insouciant, aidant sa mère à faire rouler la lourde barrière de bois sur ses galets de fonte quand les fermiers revenaient du marché de Lagny, faisant claquer leurs fouets pour demander à passer. Il eut pour tout horizon la ligne caillouteuse avec ses traverses de bois et ses quatre rails de fer polis par le frottement des roues et les fils frémissants de son télégraphe que pendant les nuits d'hiver le vent faisait chanter comme une harpe. Sa seule distraction consista dans le mouvement des trains crachant de la fumée et semant derrière eux, sur le sol ébranlé, des escarbilles brûlantes. Il ne savait ni lire ni écrire et était vraisemblablement destiné à devenir un obscur ouvrier. Rien ne dénotait en lui des facultés remarquables. Il ne traçait pas d'instinct des lignes géométriques sur le sable comme Pascal. Il ne pétrissait pas la terre glaise du remblai en étonnante ébauche comme Canova. Il était très enfant, très joueur, excellait à tuer les oiseaux à coups de pierre et à poser des collets dans les haies du chemin de fer pour prendre les lièvres de chasse voisines. Aucun signe prophétique ne marquait son front. Un hasard décida de sa vocation. En manœuvrant pour se garer, un train de marchandises tamponna un train de voyageurs. Il y eut quelques morts et beaucoup de blessés. C'était le soir et dans l'obscurité. Des wagons renversés et brisés. On entendait sortir des plaintes déchirantes et des appels désespérés. Tous les employés de la gare, affolés, couraient sans but. Seul le petit Pierre pensa à aller chercher le médecin de Lagny. Il revint avec lui, dans son cabriolet, l'ayant mis en quelques paroles brèves au courant de la situation. Étonné de la lucidité froide et précise de l'enfant, le docteur s'en servit comme un aide. Il le vit éponger sans pâlir le sang d'un chauffeur à qui il coupait le bras broyé jusqu'à l'épaule. Avec une énergie qui semblait être de l'insensibilité, l'enfant assista aux opérations, ne perdant pas la tête, exécutant de point en point ce qui lui était ordonné et prêtant son concours avec une adresse peu commune. « Matin, dit le docteur, voilà un petit gaillard qui deviendrait un fameux opérateur si on lui enseigne la chirurgie. Qu'est-ce que tu fais, mon garçon ?»« Rien. »« Ce n'est pas beaucoup. À ton âge, tu dois avoir une idée. »« Qu'est-ce que tu veux être ?»« Je ne sais pas. » « As-tu ton père et ta mère ?»« Oui, ils habitent là. » Et de la main, il montrait une maisonnette dont les vitres flambaient dans la nuit. « Ah, tu es le petit Rameau. Tes parents sont de braves gens. Je leur parlerai. Sais-tu comment je me nomme ?»« Oui, vous vous nommez le docteur Servant de Lagny. » »« Eh bien, viens me voir demain avant 8 heures. Je tâcherai de faire quelque chose de toi. » Il le fit d'abord entrer à l'école, où ce petit sauvageon, élevé dans la liberté de la vie au grand air, eut beaucoup de peine à s'acclimater. Ce n'était pas l'application qui lui manquait. Il avait été, dès le premier instant, brusquement saisi par un désir passionné de tout apprendre. Mais son sang vif lui montait par vagues au visage. Il devenait pourpre et souffrait de violentes douleurs dans la tête. Son protecteur, le bon père Servant, eut souvent de l'inquiétude en constatant chez l'enfant ses révoltes de la nature. Mais Pierre persista, sans se plaindre, et continua à travailler, faisant de jour en jour de plus rapides progrès. Au bout de l'année, il fut, à la grande et joyeuse surprise de l'instituteur communal, en état de concourir pour une bourse au collège de Meaux, et il obtint. À partir de ce moment, il avança à pas de géant. Poussé par le docteur, encouragé par l'administration départementale, qui devina en lui un sujet d'élite, il passa ses premiers examens et fut à 20 ans admis à la fois à l'école polytechnique et à l'école normale. Malgré l'insistance du préfet, malgré les prières de ses maîtres, il n'entra ni dans l'une ni dans l'autre. Il n'écouta qu'une seule voix, celle du docteur Servan, qui, la première, s'était fait entendre à lui pour le tirer de la nuit de son ignorance, et qui disait maintenant à l'enfant devenu homme « Sois médecin. Ce que je t'ai donné, rends-la à tes semblables. Le génie qui est indéniable en toi, mets-le au service de l'humanité. » Après avoir soutenu brillamment sa thèse de docteur, il fut reçu au bureau central et se prépara pour l'agrégation. Le professorat l'attira invinciblement. Esprit militant, enamoré de progrès, toujours il cherchait l'au-delà. Il se plongea dans les études de chimie avec passion. Il étudia même les alchimistes, Van Helmont, Valentin, Paracelse. Il sut détacher de leur œuvre tout ce qui était utile et laisser de côté les mystères kabbalistiques. Dans le petit appartement qu'il occupait, au 5e étage, rue de la Harpe, il avait transformé la cuisine en laboratoire et sur le fourneau habilement aménagé, il faisait des expériences. La nuit, les voisins voyaient la petite fenêtre s'éclairer de lueurs fantastiques. Et les bons bourgeois, ses voisins, le regardaient avec terreur passer dans l'escalier, serré dans une longue redingote noire, les cheveux épars sous son chapeau cabossé, ayant une vague ressemblance avec l'offmanesque docteur Miracle. Ce fut à son concours pour l'agrégation que sa nature de combattant se manifesta, pour la première fois dans toute sa violence autoritaire. Il stupéfia les examinateurs par la hardiesse de ses tendances et la nouveauté de ses aperçus. Ce jeune homme osa exposer devant ses maîtres des théories qui aboutissaient à la négation formelle des doctrines admises. Il défendit sa manière de voir avec une éloquence âpre et tranchante qui fit bondir tout le bureau et provoqua ses manifestations enthousiastes parmi les assistants. Les allures de réformateur du docteur Rameau déplurent souverainement. Il passait pour une révoltée. On le dépeignit comme un brouillon ambitieux, capable, s'il prenait possession d'une chaire à la faculté, de bouleverser les idées en cours. Ses juges, profondément blessés de s'être sentis dominés par lui, le mirent à l'index. Il fut deux fois de suite refusé. Au mépris de toute justice, on lui fit passer sur le dos des camarades dont la médiocrité n'était point gênante. Rameau rugit de colère, et dès lors la lutte fut engagée entre ses maîtres et lui. « Nous ne le laisserons jamais arriver », avait dit ceux-ci. « Je prouverai au monde entier qu'ils sont des ânes », répliqua Rameau. Et enragé, tout en continuant à préparer son examen nouveau, il publia les brochures qui commencèrent à attirer sur lui l'attention du monde médical. En Europe, ses travaux furent commentés, ses livres traduits. Le célèbre professeur Schultz de la faculté de Leipzig écrivit un mémoire pour appuyer les tendances du jeune savant français. L'opposition de Rameau prenait les proportions d'un schisme. Il eut des partisans passionnés qui versèrent dans l'exagération. Il fut obligé de réagir et de tracer des limites à ses réformes. On commença à le trouver raisonnable en le voyant contenir les fanatiques et les déréglés. Et puis, trop de bruit s'était fait autour de son nom. L'effroi commençait à gagner ses détracteurs. La presse scientifique s'était emparée des questions discutées et tous ceux qui combattaient les doctrines de Rameau étaient traités de rétrogrades. Il devint de bon ton de hocher la tête d'un air grave en parlant de lui et de dire « remarquable intelligence, un peu fougueuse, mais que l'âge disciplinera. L'homme avec lequel il faut compter. » Tout un mouvement républicain et libre penseur s'était produit autour de Rameau et les gens timorés disaient, en parlant de lui à voix basse, « c'est un révolutionnaire et un athée. » Révolutionnaire ? Il était dans son art, mais non autrement. Il était fort dédaigneux de tout ce qui ressemblait à des affaires, fût-ce celle du pays. Un des chefs du radicalisme, s'étant trouvé en rapport avec lui, songea à exploiter la popularité du jeune savant au profit de son parti, et lui demanda pourquoi, avec sa grande intelligence, il ne faisait pas de politique. Rameau le regarda du haut de sa tête et brusquement, « Parce que c'est trop facile !» Quant à son athéisme, il était réel, mais moins militant. Il ne s'occupait pas de ce que son voisin pensait. Il avait ses idées à lui et n'essayait jamais d'y convertir qui que ce fût. Il ne se cachait point de n'admettre rien de ce que la religion enseigne. Et le dimanche, à Lagny, dans la petite maison du docteur Servan, attablé avec son bienfaiteur, il se laissait houspiller par le vieux praticien, qui était croyant comme tous ceux qui vivent dans les larges espaces de la campagne où l'harmonie de la nature éclate souverainement aux yeux. Mais il ne discutait pas. Il écoutait avec une tranquille sourire les violentes sorties du bonhomme et lorsqu'il sentait trop vivement la pointe d'une épigramme, il secouait ses larges épaules comme un lion harcelé par un moucheron et disait gaiement en levant son verre « À votre santé, docteur, je croirai en Dieu s'il m'accorde la joie de vous voir centenaire. » La Providence ne fait évidemment pas de propagande, car le docteur Servan mourut à 70 ans, pleuré sincèrement par Rameau, et laissant un fils qui était capitaine d'artillerie. Le seul être devant lequel Rameau ne se gênait point et rêvait tout haut était son ami Talvane, médecin comme lui et fils du célèbre aliéniste. Talvane, destiné à succéder à son père dans la direction de la maison de santé de Vincennes, avait fait de très fortes études et s'était adonné avec passion à l'anthropologie. Il poussait le goût des investigations craniométriques jusqu'à la manie. Il n'était pas rare de le voir au milieu d'une réunion d'étudiants se lever, sortir de sa poche un goniomètre, sorte de compas à branches allongées en travers desquelles manœuvre une règle graduée, et, s'emparant de la tête d'un de ses camarades, lui mesurer les pommettes et le renflement des tempes, puis dire gravement « Angle pariétal presque nul, brachycéphalie associée à un faible égartement des pommettes et des arcades zygomatiques. Crâne d'Auvergnat, mon bonhomme !» Et tout le monde de rire, de pousser des cris d'animaux et de s'écrier « Bravo l'anthropologiste !» Chez lui, Talvane avait rassemblé une considérable collection de crânes et il s'occupait à faire des expériences de jaugeage pour déterminer la capacité cérébrale des espèces. Il emplissait un crâne avec de l'eau, suivant la méthode de Soumaret, Vitré et Tredouille, de mercure suivant celle de Broca, de sable comme Hamilton, de millet comme Mantegazza, de graines de moutarde blanche comme Philips, enfin de plomb de chasse comme Morton. Et quand on entrait dans le vaste cabinet de travail qu'il occupait au rez-de-chaussée de la maison de son père, on trouvait des crânes partout sur les tables, sur les chaises, sur la cheminée, sur la pendule. Un crâne même servait de pot à tabac. Tout ce qui, de près ou de loin, se rattachait à la craniométrie intéressait Talvane. Il collectionnait les ronds de papier sur lesquels, dans les conformateurs, les chapeliers prennent la mesure de la tête de leurs clients. Il prétendait obtenir ainsi de curieux sujets de comparaison. Fils de famille vivant dans un milieu bourgeois où les idées très avancées n'étaient point reçues, de plus ayant été élevé par une mère pieuse, Talvane gardait un fond de croyance que ses études n'avaient pu ébranler. Très chaud partisan du transformisme, il était déiste. Et quand par hasard Rameau se laissait aller à nier Dieu, des discussions terribles s'engageaient dans lesquelles Talvane, dédoublé en quelque sorte, sentait ses instincts de bourgeois se révolter contre les théories du matérialisme, tandis que ses tendances de savant l'entraînaient à penser comme lui. Mais le bourgeois était le plus fort, et d'autant plus indigné qu'il était moins convaincu, Talvane finissait par accabler Rameau d'injures. La discussion commençait tranquillement. « La caractéristique de l'homme, disait Talvane, est la religiosité. L'être humain, se voyant faible, éprouve le besoin de croire à une puissance supérieure qui ne lui est pas révélée. Si elle ne lui est pas révélée, qu'est-ce qui lui prouve qu'elle existe ? Ce sentiment intime que l'on trouve chez tous les habitants de la Terre, blancs, noir, rouge ou jaune, et qui leur fait adorer quelqu'un ou quelque chose. Dieu, le feu, le soleil, un serpent ou une pierre. Superstition, faiblesse d'esprit. Sans religion, l'homme est impossible à gouverner. Je le crois bien. Les trois mobiles des conceptions religieuses ne sont-ils pas la peur, l'admiration et la reconnaissance? C'est pourquoi tes prêtres n'ont à la bouche que l'enfer pour terrifier, les miracles pour étonner et la miséricorde divine pour attirer. Spéculation sur l'ignorance et la pusillanimité humaine? Au fond de tout cela, qu'y a-t-il? Du charlatanisme. Régulièrement, alors Talvan perdait son sang-froid et commençait à crier. Si aveugle que tu sois, tu ne peux cependant pas nier qu'il y ait une force créatrice. Je ne le nie pas, seulement je l'analyse, cette force créatrice, et je la trouve à l'état latent dans la matière. Toutes formes organiques naissent les unes des autres par des modifications insensibles. Mais il y a eu un dessein dans la nature, reprenait Talvan. Il faut admettre les causes finales. Tout a été fait pour l'usage de l'homme par un céleste ouvrier. Rameau alors se levait et marchait à grands pas, en secouant sa rude chevelure sur son cou de taureau. Si tout a été fait pour l'usage de l'homme, pourquoi les animaux nuisibles? Pourquoi les plantes vénéneuses? Pourquoi les cataclysmes terrestres? Pourquoi les maladies? Ah oui, tu vas m'expliquer cela par une punition infligée à l'homme. Tu vas me raconter le paradis terrestre, Adam et Ève, l'histoire du premier péché, tes blagues de tes théologiens. La maladie est aussi ancienne que la vie, ainsi que la paléontologie le démontre. Tu vas me parler de l'utilité des organes et de leur appropriation à une fin. Mais l'anatomie, comparée, nous fait connaître un grand nombre d'organes rudimentaires qui, utiles pour une espèce, sont tout à fait inutiles pour d'autres. Par exemple, les mamelles de l'homme, les dents de la baleine. Et l'hermaphrodisme, qu'en dis-tu? Pourquoi des monstres? Il y a dans la nature des animaux parfaitement conformes qui naissent sans tête et dont la vie est impossible. Pourquoi les avoir créés? La vérité, c'est que ce sont les forces de la matière qui, dans leur rencontre accidentelle, ont donné naissance à d'innombrables formes, et de toutes ces formes ont seules survécu celles qui se sont trouvées appropriées, d'une manière quelconque, aux conditions du milieu dans lequel elles étaient placées. Celles-là, ayant résisté, se sont développées et transformées. Oh, sur ce point-là, nous sommes d'accord, interrompait Talvan avec éclat. Le transformisme, c'est ma loi, mais il n'exclut pas l'idée d'un créateur. Mais animal, à quoi bon un créateur puisque l'utilité n'en est pas démontrée? Il te faut absolument un créateur avec une grande barbe et un tonnerre dans la main? Quelle rage d'adoration as-tu? C'est l'absurde faiblesse humaine qui veut se raccrocher à une puissance supérieure comme un noyé à une branche. La passion d'être dominé et surtout d'éviter la responsabilité. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, n'est-ce pas? Eh bien, moi je te dis une chose, c'est que si ton Dieu existe, c'est un monstre qui nous a créés pour notre malheur et se réjouit de nos misères. Et comme je ne veux pas porter une accusation aussi impie, j'aime mieux croire à la fécondité naturelle de la matière. Avec une âpre éloquence, Rameau développait sa pensée, abordant les conceptions philosophiques les plus nouvelles, et avec la précision froide d'un opérateur taillant la chair vive, coupait les ailes aux aspirations spiritualistes de son ami. Et dans la nuit, à la clarté de la lampe de travail, au coin du feu, Talvan restait des heures à écouter Rameau, blessé dans ses sentiments, mais émerveillé de la profondeur de vue du savant, et rendant hommage à ce lumineux esprit qui, dans quelque direction que les hasards de la vie l'eussent poussé, aurait été un homme supérieur. Cependant, dans l'étroite intimité des jeunes gens, un tiers s'était introduit. Sur le même palier que Rameau, dans la maison de la rue de la Harpe, habitait un jeune peintre allemand nommé Franz Münzel, venu de Stuttgart, pour suivre les cours de l'école des beaux-arts. Il était silencieux, paraissant travailler beaucoup. Tous les soirs, on l'entendait jouer au piano de Leiden ou du Mozart. Il était visiblement doux et timide. Rameau savait qu'il était peintre parce qu'il l'avait rencontré dans la rue, des toiles sous le bras et sa boîte à couleurs à la main. Mais les deux voisins ne s'étaient jamais adressé la parole. Ils échangeaient un coup de chapeau en passant et c'était tout. Ils ne connaissaient même pas leur nom. Quand par hasard Rameau parlait de Munzel, il disait « le peintre d'à côté ». Un jour, Munzel rentra de l'école des beaux-arts très pâle. Le soir, il ne joua pas sa sonate accoutumée. Il s'était mis au lit avec une grosse fièvre. Le lendemain, une angine des plus graves se déclarait. Ses camarades d'atelier, pour lui faire une charge, l'avaient, pendant toute une matinée, attaché nu et tatoué à la table du modèle, par un froid glacial. En 3 jours, le mal avait pris un développement effrayant. Le malheureux était à toute extrémité. Le médecin du quartier venait de se retirer en déclarant au concierge qu'il n'avait plus d'espoir et que toute opération serait inutile. Celui-ci, ne sachant que résoudre, eut l'idée de frapper à la porte de Rameau. Le docteur travaillait sans feu, les jambes entourées de la couverture de son lit, préparant une de ses thèses qui lui avait valu tant de déboires. Il se leva silencieusement et, entendant le malheureux Franz râler dans l'obscurité de sa chambre, il prit sa lampe et s'approcha du lit. La face congestionnée, le cou énorme, les yeux en dedans, le pauvre diable étouffait. « Il n'en avait pas pour une heure, » dit Rameau après un rapide examen. « Les membranes ont gagné jusqu'aux fosses nasales. Cependant, je vais tenter la trachéotomie. » Il revint avec une bistouri. D'une main ferme trouant la chair, il enfonça une canule dans la gorge du mourant et avec un admirable mépris de la contagion, il aspira violemment. Un flot de mucosité sanguinolente jaillit et l'air siffla, vivifiant et délicieux, dans les poumons du mourant. « Il faudra maintenant faire prévenir la famille. » « Il n'y en a pas. Il est seul à Paris, c'est un étranger. » Rameau jetait un regard sur le front pâle couronné de cheveux blonds bouclés du malade et s'approcha une seconde fois du lit et palpa le crâne avec soin. « Selon compère, nous avons affaire à un sous-brachycéphale. Votre locataire est-il allemand ?»« Oui, monsieur Rameau, mais il parle bien le français, » dit le concierge, qui ne comprenait pas la portée de la question du savant. « Bien, sous-brachycéphale et allemand ?» fit Rameau avec un léger sourire, voilà qui fera plaisir à Talvan. Pendant toute la durée de la maladie, Rameau ne quittait pas Munzel. Il fut à la fois médecin et infirmier. Il travaillait dans la journée sur un coin de table, dans la chambre du Wurtembourgeois. Et la nuit, il lisait, en prenant des notes à la lueur de la veilleuse, écoutant avec satisfaction ronfler son camarade. « L'entends-tu ? » disait-il avec satisfaction à Talvan, venu pour savoir ce qui arrivait à son ami. « Il respire mieux qu'avant, ce matin-là. » Tant que Franz fut au lit et que les soins de Rameau eurent un caractère professionnel, Talvan manifesta pour le malade une réelle sympathie. Il remplaça le docteur auprès de lui et le veilla même sans lui tâter le crâne et sans lui mesurer l'angle nasal. Il se dévoua, non par amour de la science, mais par amour de l'humanité. Cependant, quand le malade étant guéri, l'intérêt que lui portait Rameau prit vraiment un caractère amical, Talvan se refroidit sensiblement et commença à regarder le peintre de travers. L'affection que le jeune aliéniste avait pour celui, qu'il considérait comme une des futures gloires de la médecine française, était trop vive pour aller sans jalousie. Il fallut toute l'autorité que Rameau possédait sur l'esprit de Talvan pour forcer celui-ci à accepter Franz. Et dès lors commença une existence à trois qui fut souvent traversée par de violents orages. Dans l'association de Talvan et de Rameau, l'Allemand rêveur apporta un élément nouveau. Il était profondément mystique. Il avait gardé dans son cerveau un peu de l'ombre des hautes cathédrales gothiques de son pays. Et dans cette ombre passaient radieuses et charmantes à la fois les saintes nimbées d'or des vitraux de chapelle et les blanches fées des légendes du Rhin. Rameau disait en riant « Munzel est un clérical païen ». Mais il avait, pour les idées du jeune homme, une indulgence toute particulière qui mettait Talvan hors de lui. Lorsque de vives controverses s'engageaient sur un sujet religieux et que Munzel et Rameau se trouvaient en désaccord, le docteur adoucissait sa voix, cotonnait ses phrases, arrondissait les angles de ses arguments comme s'il craignait de blesser son ami. Talvan avait beau murmurer. « Mais tu ne discutes pas avec lui, tu l'implores, tu te traînes à ses pieds. Pourquoi le ménages-tu? Il n'est plus malade. » Rameau restait sourd à ses excitations. Alors, l'aliéniste reprenait pour son compte la thèse de Munzel et substituait à la rêveuse argumentation de l'Allemand sa dialectique agressive. Aussitôt, Rameau se réveillait et Talvan traitait comme un misérable payé en un instant les frais de la guerre. La grande voix du docteur tonnait, lançant les phrases violentes et destructives, renversant les croix, changeant les églises en greniers à fourrage et forçant les prêtres sacre-dieux à revêtir le costume militaire pour aller faire chauffer le robinet au feu des canons. Il fallait l'organe musical et grave de Franz pour calmer Rameau, et le docteur, mécontent de s'être laissé emporter, craignant d'avoir froissé son ami, s'excusait. C'est la faute à cet imbécile de Talvan. Moi, je n'ai fait que répéter ce qu'avait dit Munzel, répliquait hypocritement l'aliéniste. Allons, en voilà assez. Tu nous ennuies. Un verre de bière, Franz, et puis tu nous joueras une romance de Mendelssohn. Et la soirée se terminait tranquillement. L'Allemand, les yeux au ciel, jouant les airs qui avaient bercé son enfance et semblant suivre, dans le vague de ses souvenirs, la marche lente et rêveuse de quelque douce fille blonde qui l'attendait au pays. Il fallait qu'il eût quelque engagement et qu'il voulût y être fidèle, car Rameau ne lui connut point de maîtresse. Il ne parlait pas volontiers de ses affaires de famille, et jamais son ami ne put lui tirer un mot de ses affaires de cœur. Il allait tous les ans, au mois de juillet, passer quelques semaines à Stuttgart, chez son père, qui était professeur de piano et inventeur d'une nouvelle méthode de solfège. Il revenait triste, maigri, comme s'il eût jeûné dans un intérieur besogneux, où les convives étaient trop nombreux et le repas trop frugal. Il travaillait avec force, sans passion, sans coup de flamme, mais avec une régularité invariable. Élève de Flandrin, et conservait une certaine sécheresse native dans le fer qui sentait l'école de Düsseldorf. Mais il savait composer harmonieusement un tableau et le peindre avec éclat. Il excellait dans le portrait et commençait à gagner de l'argent. Cependant, ses habitudes de vie ne changeaient point. Il gardait son modeste appartement de la rue de la Harpe, et s'il avait pris un grand atelier près du Luxembourg, c'était pour ne pas se déconsidérer aux yeux de sa clientèle. Mais il avait beau se faire payer cher, il ne paraissait pas avoir un sou de plus en poche. Il se refusait tout plaisir et vivait avec l'âpre régularité d'une vieille fille. Rameau disait « Il doit y avoir dans l'existence de ce garçon-là un trou mystérieux par où tout son argent s'écoule. » « Laisse-moi donc tranquille, » répondait aigrement Talvan. « Il est tout simplement avare. Son trou a un fond. C'est une tirelire. » Il fallut 6 ans pour découvrir le mystère. Un jour, en lisant un compte-rendu scientifique dans un journal allemand, le nom de Munzel sauta aux yeux de Rameau. C'était dans l'article « Tribunaux », les considérants d'un jugement par lequel ledit Otto Munzel, professeur de musique, était débouté de ses prétentions à la possession de la méthode de solfège par signe et considéré comme ayant usurpé les droits des frères Pfeiffer, seul inventeur de la méthode en question, et était, par ce fait, le sieur Munzel condamné à 10 000 marks de dommages et intérêts, plus insertion dans 6 journaux au choix des demandeurs, etc. Depuis 2 jours, Franz n'avait pas paru chez Rameau. Celui-ci avait vainement sonné à la porte de l'appartement du peintre. La porte était restée close. Inquiet, le docteur alla à l'atelier du Luxembourg. Il monta, entra sans frapper et trouva Munzel étendu sur son canapé, les yeux grands ouverts et rêvant. Sur le chevalet, un tableau commencé n'avait pas reçu depuis longtemps un seul coup de pinceau. Il était sec et en but. Le jeune homme ne bougea pas en voyant entrer le docteur. Il tourna seulement la tête et une pâle sourire erra sur ses lèvres. Sans dire un mot, Rameau s'approcha et tirant le journal, il le mit devant les yeux de Franz. Celui-ci lut quelques lignes, pâlit, poussa un cri et, se dressant, tomba en pleurant dans les bras de son ami. Ainsi, c'était là la cause de ses secrètes tristesses. Voilà où passait l'argent gagné et économisé par le peintre. Depuis 10 ans, le procès engagé par les Pfeiffer contre le vieux Munzel se poursuivait devant toutes les juridictions et les frais absorbaient les ressources de la pauvre famille. On mangeait des pommes de terre et du lard aux choux toute l'année et jamais de rôti dans la vieille maison du professeur pour faire face aux dépenses du procès. Mais le père Munzel était plein de confiance. Il disait à sa femme et à ses enfants: « Quand j'aurai triomphé, ma méthode me donnera à la fois la célébrité et la fortune. » Et il trottait entre les deux leçons chez son avocat, lui portant des mémoires griffonnées sur du papier à musique. La perte du procès, définitive, irrémédiable, était le coup suprême pour la famille. Il faudrait, pour payer les 10 000 marks, voir partir le mince mobilier, le piano, les partitions. Un malheur sans égal pour ces humbles gens et sous lequel Franz, depuis 2 jours, était écrasé. Il avait dans son tiroir 500 francs que son marchand de couleurs venait de lui avancer, et pas une étude, pas un bout de croquis à vendre. Depuis longtemps, il faisait l'argent de tout, et les toiles peintes ne traînaient pas dans l'atelier. Aussitôt enlevées que finies, et à bas prix, par des marchands qui flairaient le besoin d'argent. Aussi, comment allait-il faire ? Il ne pouvait pas laisser la mère et les marmots sur le pavé et le père en prison. Le bonhomme en serait mort. Il fallait qu'il leur vînt en aide. Et depuis 48 heures, étendu sur son divan, jour et nuit, il retournait dans sa tête ce désolant problème sans lui trouver une solution. Rameau posa sa large main sur l'épaule de Franz et agitant silencieusement sa grosse tête aux cheveux rudes. « Voilà donc la cause de toutes tes privations ?» « Va, ne te tourmente pas, mon fils. Nous nous procurerons la somme. J'ai chez moi 3 000 ou 4 000 francs et pour le reste, j'en fais mon affaire. » Le reste, ce fut Alvan qui le donna. Mécontent de s'être trompé sur le compte du Wurtembergeois, il prêta, en réchinant, 10 000 000 francs à Rameau. « S'il n'a pas la protubérance de l'avarice, dit-il à son ami, il a celle de l'ingratitude. Observe son crâne. C'est un véritable modèle du genre. Après avoir étudié une pareille tête, au lieu d'ouvrir son cœur à celui qui la possède, un homme sage lui fermerait sa porte. « Tu m'ennuies à la fin avec ta craniologie, » répondit rudement Rameau. À force de ramener toutes les conformations individuelles à des types spéciaux, tu divagues complètement. Tu finiras par être aussi fou que t'es malade. » Mais Alvan était tenace. « Bon, bon, nous verrons. L'avenir t'édifiera sur le compte de ce garçon. » En dépit des diagnostics de Talvan, les années s'écoulèrent sans que rien vînt sérieusement troubler la bonne harmonie de leur intimité. Chacun fit sa poussée. Talvan succéda à son père et devint le remarquable médecin légiste dont le seul travers est de voir des irresponsables dans tous les criminels. Munzel fut, grâce aux immenses relations de Rameau, un peintre très recherché. Ils marchaient tous les trois sur la route de l'illustration et de la fortune. Rameau était alors professeur d'anatomie et venait d'entrer à l'Académie de médecine. Nul n'était dans le monde savant en état de balancer son influence. Il était autant admiré que redouté. Avec une puissance rare, il avait forcé tous les obstacles élevés devant ses pas. C'était un homme terrible pour ses adversaires. Il avait l'audace qui engage à tout entreprendre et le génie qui permet de tout accomplir. Pas un savant qui ne portât ses marques. Il les avait tous pris à partie, les plus incontestés et les plus forts, et s'était montré leur maître. Il n'était doux que pour les faibles et pour les humbles. Mais les présomptueux et les superbes, il les déchirait. Les bafouait avec une sorte de sombre joie. Il allait rarement dans le monde. Sa rudesse se prêtait peu aux élégances apprêtées des salons. Et sa parole n'avait pas la banale douceur qui convient aux conversations murmurées. Il y était mal à l'aise, se taisait, ou si, par malheur, on essayait de le pousser pour le mettre en évidence, il parlait avec une éloquence enflammée qui étonnait toujours et choquait souvent ses auditeurs. Il passa promptement pour un original. On disait de lui « Il a le cerveau un peu dérangé. C'est le détraquement habituel du génie. » Mais quel merveilleux chirurgien et quel admirable médecin. Il sauve tous ses malades. Le dimanche, il dînait chez Munzel et le jeudi chez Talvan. C'était là ses jours de plaisir. Entre ses deux amis, il oubliait les fatigues de sa vie tout entière vouée au travail. Son front s'éclairait. Il lâchait la bride à sa fantaisie et sa verve puissante, un peu rabelaisienne, éclatait en joyeux propos. Il s'amusait à tourmenter Talvan et émettait des paradoxes énormes que l'aliéniste s'attachait à réfuter avec une ténacité qui divertissait prodigieusement Rameau. Munzel écoutait en souriant avec sa gravité flegmatique l'allemand blond. Et quand la discussion s'animait, quand Rameau, s'échauffant au feu de ses arguments, élevait la voix et commençait à marcher en secouant ses larges épaules, le peintre, de sa voix douce, intervenait, et en un instant, le débat redevenait calme et mesuré. Talvan avait publié un ouvrage intitulé « Des races et de la filiation », dans lequel il avait consigné toute une série d'observations craniométriques, au moyen desquels il prétendait établir sûrement la généalogie. Un enfant né de tel père appartenant à telle race et de telle mère appartenant à telle autre race devait, selon sa doctrine, avoir la tête conformée d'une certaine façon, et il était facile à l'examen de retrouver sur son crâne la trace des générations dont il était issu. Cette méthode, présentée par l'aliéniste d'une façon très ingénieuse, avait attiré l'attention. La revue anthropologique s'en était occupée et l'avait discutée longuement. C'était le grand sujet de controverse entre Talvan et Rameau. Celui-ci éprouvait un malin plaisir à mettre cette question sur le tapis, tendant des pièges à son ami et s'amusant comme un écolier quand l'aliéniste s'y était laissé prendre. « Voilà un enfant, disait Rameau, n'est-ce pas ? Qui vient au monde avec l'occiput développé, ce qui est le type de la race espagnole, la garde dans le tablier de laquelle le médecin a jeté le marmot au moment de sa naissance, trouve cette disposition crânienne fâcheuse, et de ses mains, elle lui modèle sa petite tête, molle comme de la cire, et la fait ronde comme celle d'un Normand. Que devient ta théorie? Où retrouves-tu les traces de la filiation? On te donne à examiner le crâne de ce gaillard-là quand il est adulte. Tu le mesures et avec gravité, tu déclares qu'il est né à Yvetot. « Tu es absurde, grognait Talvan. Voilà qui est vite dit. Ta méthode n'est pas absolue. Les conséquences que tu en tires sont variables. C'est ceci, à moins que ce ne soit cela. Au petit bonheur. En somme, tes observations sont amusantes, mais elles n'ont aucune portée. Amusantes. Elles sont d'une précision rigoureuse, indéniable. En tant que généralité, bien entendu, si tu vas me chercher des exceptions, il y en a en tout. Et comme dit la grammaire, elle confirme la règle. » En dépit de ces railleries, Rameau patronnait très chaudement la candidature de son ami à l'Académie de médecine. S'il lui plaisait de nier, dans l'intimité, la valeur scientifique des doctrines de l'aliéniste, il vantait publiquement son mérite. Il avait fait pour le traité des maladies mentales de Talvan une préface admirable dans laquelle il avait discuté avec une autorité sans pareille la question de l'hérédité de la folie. Le livre avait, grâce à cette étude d'une clarté effrayante, obtenu un succès considérable. Ainsi Rameau, excellent au fond, détestable dans la forme, martyrisait Talvan et d'une main ferme travaillait à sa renommée. Ce fut la phase resplendissante de la carrière de Rameau. La hauteur philosophique de son esprit se manifesta souveraine. Sûr de lui, il osa formuler ses doctrines matérialistes avec l'âpre fougue d'un Calvin. Nul ne pouvait plus lui faire obstacle. Son génie, comme un feu dévorant, consumait tout ce qui essaie d'arrêter son expansion. Sa profession de foi publique eut un éclat d'autant plus grand qu'il la fit dans un milieu officiel, à la face des autorités gouvernementales plongées dans l'anéantissement d'une stupeur profonde. Ce fut à l'inauguration solennelle de la Société de philosophie contemporaine que, répondant à l'allocution pâteuse et vide du ministre de l'Instruction publique, il prononça son célèbre discours sur la création de l'homme et la substance de l'âme. Il y étudiait la question de savoir où en était la physiologie, d'après ses derniers résultats par rapport à l'hypothèse d'une âme individuelle essentiellement distincte du corps. Et après avoir discuté les faits avec une merveilleuse lucidité, il était arrivé à cette conclusion que pour lui, rien dans les études physiologiques ne le conduisait à admettre une âme. Puis, d'une voix de tonnerre agitant sa crinière de lion, pétrissant des mains le bois de son fauteuil, il avait adressé à la théologie une formidable apostrophe, couronnée par une négation absolue de la divinité, et avait terminé en attestant qu'il se glorifiait d'être parmi ceux qui doutaient le plus. À peine eut-il cessé de parler que le vide se fit autour de lui. Tous les fonctionnaires qui occupaient l'estrade s'éclipsèrent avec une étonnante rapidité. En une seconde, Rameau ne vit plus que des dos d'habits brodés. Autour du ministre très pâle, un cercle s'était formé dans lequel les têtes s'agitaient avec violence et les bras se levaient vers le plafond, comme pour prendre le ciel à témoin. « Où allons-nous, monsieur ? Affreux scandale ! » s'écriaient les grands personnages, tandis qu'avec un ensemble touchant, le frétin gouvernemental reprenait, appuyant la protestation des puissants du jour. « Scandale affreux, où allons-nous ?» Rameau, seul comme un pestiféré, regardé de travers par les municipaux qui se demandaient, dans leur conscience étroite de soldat, si on n'allait pas l'arrêter, gagna la cour pour chercher sa voiture. Là, il retrouva Talvan, qui, bouleversé, l'attendait. L'aliéniste ne put lui dire que ces mots. « Ô mon ami, quel fatal emploi tu fais de tes admirables facultés ! Que de monstruosité tu as avancé ! Mais avec quelle éloquence ! Diable de garçon, va ! » Et plein à la fois d'horreur et d'admiration, entraîné par sa chaude amitié, le bon Talvan prit et serra fortement sous le sien le bras du grand homme qui s'éloignait silencieux au milieu de la réprobation officielle. Le lendemain, Rameau fut informé qu'il était relevé de ses fonctions de professeur. Il ne protesta pas. Il n'était un agitateur que dans le monde des idées. Sa révocation produisit une vive émotion dans le quartier des écoles, où le discours avait eu un énorme retentissement. Des manifestations furent organisées par les étudiants qui vinrent en masse sous les fenêtres du savant et firent retentir de leur vivat la rue dont les habitants montraient déjà aux fenêtres leurs visages inquiets. Rameau fut sourd à ces appels et resta invisible. Il était réfugié chez Munzel et étendu sur le divan de l'atelier. Il fumait en écoutant le peintre. Celui-ci laissait courir ses doigts sous le clavier de l'orgue qui occupait tout le fond de la vaste pièce, jetant à la voûte sonore et haute les graves et tendres mélodies de sa rêveuse inspiration. Chassé de la chair, Rameau fit de la clientèle. Cet athée, que le grand monde pieux eût voulu exorciser, était néanmoins appelé aussitôt que se présentait un cas grave. On disait « il a signé un pacte avec le diable ». Mais la guérison, vint-elle de l'enfer ? Ce n'en était pas moins la guérison. Et au prix de quelle messe expiatoire on se mettait en règle avec le ciel ? Rameau gagna couramment 200 000 francs dans son année. Il était arrivé à la fortune et avec ses goûts simples, il ne savait pas en jouir. Talvan essaya de lui prouver qu'un train d'existence plus large lui était nécessaire. Il voulut le forcer à déménager. Rameau s'y refusa. Il habitait toujours la maison de la rue de la Harpe. Seulement, du cinquième, il était descendu au premier. Il avait là un appartement de 5 pièces qu'il trouvait parfaitement suffisant pour lui. Du salon, il avait fait son cabinet et vers 4 heures, au moment de sa consultation, on trouvait du monde jusque sur les banquettes de l'antichambre. Son domestique donnait des numéros d'ordre aux arrivants. Et tous, riches ou pauvres, égaux dans la souffrance, confondus ensemble, attendaient patiemment leur tour. Souvent, il y avait de nombreuses voitures de maîtres à la porte de la maison. Et du haut de leur siège, les cochers gravement enfoncés dans leur fourrure regardaient avec dédain le ruisseau boueux de la vieille rue dans lequel trempaient les pieds des chevaux habitués aux chaussées soigneusement balayées des quartiers aristocratiques. Fin de la section 96, lue par Agnès Aubi, 2025.